Doublette suivante, toujours dans l'aspect française, avec tout d'abord les vétérans de la scène black française 7. Le groupe sort son nouvel effort studio, La Morsure du Christ, un très très très qualitatif nouvel album une fois de plus, après un gros remaniement de line-up, une sortie sur label français Season of Mist, et dans la foulée, un nouvel extrait du nouvel effort studio de Achiavel, le groupe de death mélodique français, qui compte une chanteuse derrière le micro. Way Victis, c'est le nom de leur nouvel effort studio déjà dispo en autoprod. Metal Noir, sobre, titre de morceau pour 7, Achiavel avec le morceau Zombie. Ce n'est pas d'ailleurs moins sobre, c'est parti. Yeah! Ben voilà, c'est parfait. Pour la doublette française suivante, on pose son cerveau à côté de soi. Tout d'abord, Happy Feast, avec un nouvel extrait de leur album Love et Fire pour le groupe de hardcore marseillais. Là, on est sur un titre qui tend limite vers le beatdown, Only Yourself. C'est bien débile, c'est bien efficace, c'est bien fun. Et dans la foulée, c'est presque une petite larme au coin de l'œil, que voilà, l'on va s'écouter un premier extrait du dernier album studio de Inhumate, le monstrueux groupe, cultissime groupe de grindcore français, plus de 25 ans de carrière. Ils sortent, comme prévu depuis le début en fait, le septième et dernier album studio, qui voit le jour 8 ans après le monstrueux Expulsed. Ils sortent donc là un très bref album, enfin très bref pour du grindcore, c'est complètement honnête, hein, 32 minutes, 22 titres, Eternal Life. Comment est-ce qu'on peut décrire cet album? En fait, on va juste reprendre l'explication du groupe. 22 tracks, 32 minutes of pure fucking sickness. Clairement, faut que ça chie, et ça chie à fond les ballons sur tout ce putain de dernier album studio de Inhumate. Pour autant, le groupe ne raccroche pas les gants, puisque de nombreux lives sont prévus, bah, dès qu'on pourra de nouveau faire des lives. Et Inhumate sur scène, si vous avez jamais vu, bah, franchement, dès que possible, dépêchez chez vous de rattraper ça. C'est encore plus furieux, bien évidemment, sur scène que sur album, où c'est déjà hautement qualitatif. Inhumate, on s'écouterait le titre Phoenix, c'est parti. Yeah! On enchaîne et on clôture l'aspect française avec direct une glissade vers l'aspect international. Avec tout d'abord la dernière nouveauté pour aujourd'hui, avant-dernière, pardon, je dis une connerie. Avant-dernière nouveauté pour aujourd'hui et dernière nouveauté dans l'aspect française. Anternose, le duo originaire de Angers, qui sort son nouvel effort studio. On est sur du black folk. Le groupe a vu le jour début 2006, troisième album studio, le précédent remontant à 2010. Entre-temps, Anternose a participé à différents splits et sorti un EP. C'est un concept album qui rend hommage au fleuve de la Loire. Forcément, en tant que Tourangeau pure souche, ça attire d'autant plus l'attention. Pas mal de guests sur ce nouvel album d'Anternose. Voilà, très très intéressant concept, et puis musicalement c'est hautement qualitatif. Anternose au fleuve de Loire, le nom de leur nouvel effort studio sorti sur le label Antique Records. Et dans la foulée, le groupe ricain Conclave, qui nous fait du stoner, c'est un peu moins lourd et répétitif, on va dire, que Bongzilla. Dawn of Days, c'est le nom de leur second effort studio. Ce nouvel effort de Conclave est déjà disponible. On va s'écouter le titre Haggard. Et dans la précédence, avant Conclave, on s'écouterait le titre Batelier de Loire, signé Anternose. C'est parti. Thank you. Je reviens très rapidement avant de passer à la suite de la diff sur le casting autour de ce nouvel effort de Hunter Nose. On retrouve des icos plutôt chevronnés, hein, comme je l'ai déjà dit. Donc, on a tout d'abord au niveau des guest vocals Spellbound, qui est bien sûr vocaliste de Auriac et membre de Jourpal. On retrouve également Cervantes, qui n'est bien sûr tout autre que la voix de Darkenhold. On a encore Géraud, qui est vocaliste au sein de Régiment, ainsi que au niveau des accompagnements sur, accompagnements instrumentaux sur les batteries, Izarnos, qui est membre de pas mal de formations, donc qui a enregistré pour Régiment, Oxoxox ou même Anus Mundi. Voilà, en termes de line-up, on est sur quelque chose de plutôt classieux. Pour épauler ce nouvel effort studio de Hunter Nose, voilà, ça me semblait vraiment intéressant de le préciser. Retour à la ZIC avec la doublette suivante, WO2 et Alterage, voilà des groupes qu'on a déjà présentés. WO2, on va s'écouter un extrait de leur nouvel effort studio Burn in Many Mirrors, avec le titre Fire in the Hills. Alterage, ensuite une sortie sur label français Season of Mist, l'album s'appelle Succumb, et on va s'écouter le morceau Lavath, c'est parti. Thank you. Et on approche déjà dangereusement de la fin de l'émission pour aujourd'hui. Dernière doublette, après on s'écoutera un dernier titre tout seul. Dernière doublette donc pour l'émission d'aujourd'hui. Tout d'abord, Ewig Frost avec un extrait de leur nouvel effort studio Ain't No Saint. L'album est déjà dispo, on s'écoutera le titre Into the Night. Puis les vétérans ricains du Thrash Death, très très bon Thrash Death d'ailleurs, hein, Solstice, avec un extrait de leur nouvel effort studio bien bien qualitatif, Casting the Die, et on s'écoutera le morceau The Altruist, c'est parti. No warrant, why? Et voilà, on arrive donc déjà à la clôture de l'émission pour aujourd'hui avec un groupe tout seul, Traumatomie, formation nippo-russe ou russo-japonaise hein, dans l'ordre que vous voulez. On est sur du pur slamming brutal death, hein, ils sortent là leur nouvel effort studio, le troisième, Extirpation Paradigm. Traumatomie, c'est extra vraiment musicalement et sur scène, c'est vraiment très traditionnel, conventionnel même, on a envie de dire. Mais cependant, c'est vraiment bien branlé et bah, niveau de la prod, hein, c'est même vraiment bien maîtrisé. Donc voilà, troisième album studio, le précédent datait de 2015, entre-temps il y a eu un petit split et un EP. Voilà donc pour les présentations autour de Traumatomie, et on va s'écouter tout simplement le titre de l'album pour se quitter ce soir, Extirpation Paradigm, extrait du nouvel album du même nom signé Traumatomie. Excellente fin de soirée à toutes et à tous, et à dimanche prochain, ciao ciao!